Il y a 25 ans, a été publiée l'historique déclaration de Pyongyang défendant et faisant progresser la cause du socialisme. En avril de l'an 81 du Chuché 1992, les chefs et délégués des partis politiques de divers pays du monde aspirant au socialisme, notamment les partis communistes et ouvriers, venus en Corée pour participer aux festivités consacrées au 80e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, ont adopté la déclaration de Pyongyang pour exprimer la ferme volonté de défendre et de faire progresser la cause du socialisme. 70 partis politiques ont signé à la déclaration lors de son adoption. Le nombre de signataires a augmenté 6 mois après à plus de 140, un an après à plus de 170, 20 ans après à plus de 280 et cette année à plus de 300.